maronites, druzes et mutualistes, le Nahr el-Kelb, l'aqueduc de Fakhr el-Din. Le lendemain, je me rendis chez M. Lascaris, qui m'avait invité à déjeuner. Le plan de la journée fut vite arrêté. Nous devions aller visiter l'embouchure du Nahr el-Kelb et le bec aqueduc de l'émir Fakhr el-Din, en passant par les fortifications extérieures. Je savais mon hôte fort érudit, aussi n'hésitais-je pas à lui demander quelques détails sur les druzes, maronites et mutualistes, dont les noms reviennent si souvent à l'oreille et sur lesquels j'étais honteux de n'avoir pas encore de données plus certaines. Il faut en premier lieu vous faire remarquer, me dit M. Lascaris, que cette confusion, cette diversité de langage et de costumes, qui vous ont tant surpris, existe aussi dans les religions où chaque individu forme presque une secte particulière, principalement chez les druzes. Les maronites, je donne le pas à nos coreligionnaires, tirent leur origine d'un moine nommé Maroun, qui vécut vers la fin du VIe siècle et mourut en odeur de sainteté. Un couvent fut fondé pour faire honneur à sa mémoire. Un siècle plus tard, un de ses disciples, Jean le Maronite, épousa la querelle des Latins contre les chrétiens grecs, qui faisaient alors de grands progrès dans le Liban. Ces derniers suivaient les inspirations de Constantinople. Les Maronites, au contraire, suivaient celles de Rome. Vous voyez déjà le voile religieux servant à couvrir les dissidences politiques. Jean organisa donc en milice ses montagnards, les conduisit à l'ennemi et les rendit maîtres de tout le Liban jusqu'auprès de Jérusalem. Courageux, bien qu'en petit nombre, ils conservèrent longtemps leur indépendance sur la montagne, et ce fut seulement en 1588 qu'ils furent réduits par Ibrahim, pacha du Caire, et soumis à un tribut annuel qu'ils payent encore aujourd'hui. Cependant, comme tous les peuples montagnards, ils ont gardé l'amour de l'indépendance et de la liberté. Opprimés par le musulman, leur maître, par le druze, rival que leur a suscité, dit-on, l'Angleterre, jalouse de la prépondérance française dans le Liban, en querelle avec les ansariers ou les mutualistes, ils n'en continuent pas moins, une pioche d'une main, le sabre de l'autre, à cultiver et à défendre l'héritage de leur père. C'est une noble et forte race, et la seule lettrée du pays, comme vous pourrez vous en assurer lorsque vous visiterez ces couvents en vous rendant au cèdre. Au sud des maronites vivent les druzes, qui sont des schismatiques musulmans, comme les maronites sont des sectaires chrétiens. Mais à part la différence des religions, les mœurs, les coutumes et la langue ont entre elles une grande analogie. Les druzes ont été comparés successivement aux pythagoriciens, aux esséniens, aux gnostiques, et il semble aussi que les templiers et les francs-maçons modernes leur aient emprunté beaucoup d'idées. Leur religion a cela de particulier qu'elle prétend être la dernière révélée. En effet, c'est l'an de l'Hégire 386, soit 996 de Jésus-Christ, que son Messie s'est incarné dans la personne d'un fou furieux qui se fit couronner calife sous le nom de El-Hakem bi Amr Allah, gouvernant par l'ordre de Dieu, nom qu'un imposteur se disant prophète changea par flatterie en celui de Hakem bi Amrit, gouvernant par sa propre volonté. Par malheur, le néo-dieu n'eut pas le pouvoir de préserver ses jours, non plus que ceux de son prophète, et tous deux périrent assassinés. Ce fut seulement sous le fameux émir Fakhr el-Din que cette religion prit quelque célébrité. Ce Machiavel du Liban sut, par sa souplesse et son habileté, s'attirer la faveur de la porte, se concilier la bienveillance des Médicis tout-puissants à Florence et celle du gouvernement français. Peu à peu, il s'empara des villes du littoral, jusqu'à ce qu'en 1613, il fût maître de tout le pays situé entre Adjaloun et Safed. Mais la fin de son règne ne justifia pas ce beau commencement. Il sut conquérir et non conserver. Cerné, traqué de tous côtés par le pacha de Damas, par les druzes eux-mêmes, trahi par les siens, il fut livré aux Turcs qui l'étranglèrent dans sa prison en 1635. Ce fut à lui que Beyrouth dut, au XVIIe siècle, une certaine splendeur, grâce aux embellissements et aux travaux d'utilité publique qu'il y fit exécuter, mais que les Turcs ont bien vite détruit, excepté les remparts et le bel aqueduc que nous visiterons aujourd'hui. Comme je voulais faire remarquer, les druzes, si l'on met de côté quelques observances ridicules, n'ont aucune religion particulière, et leur culte est cosmopolite. Les uns sont baptisés et les autres circoncis. Leur organisation politique est embrouillée. Le chef suprême est un hakem, un gouverneur, ayant sous sa dépendance un grand nombre d'émirs ou cheikhs qui, à leur tour, gouverne un district et reçoivent les impôts pour remettre une partie au hakem. L'autorité de ces chefs est héréditaire et se transmet de mâle en mâle avec l'agrément de la porte. Chez les druzes, cultivateurs comme les maronites, mais plus guerriers encore, chaque homme en état de manier le sabre et le fusil est soldat de fait et de droit. Aussi, en quelques jours, le hakem peut-il rassembler près de 15 000 hommes armés à Deir el-Kamar, leur lieu habituel de réunion. Leur manière de combattre se rapproche de celle des guérillas et des kabyles. Fils de la montagne, c'est dans la montagne que réside leur véritable force. En plaine, ils seraient écrasés par la cavalerie, car ils ignorent l'usage de la baïonnette. Excellents tireurs, sobres, hardis, vigoureux, ils sont vraiment redoutables dans une guerre de surprise et d'embuscade. De même que l'arabe, ils pratiquent au plus haut degré la vertu de l'hospitalité, et ils sont en cela bien supérieurs aux maronites. C'est le beau côté de leur caractère. « Tous les hommes sont frères, disent-ils, et Dieu est libéral. Il s'allie entre eux, et cette race doit l'air pur des montagnes, à sa vie active et sobre, de n'avoir pas dégénéré. » Nous arrivons au Mutualis, qui, à l'orient du pays des Druzes, habite une vallée profonde que bordent les montagnes du pays de Damas. Ils sont musulmans, mais ils suivent le parti d'Ali comme les Persans. Ils vivent tout à fait séparés des autres sectateurs de Mahomet. On prétend qu'ils existent depuis longtemps en coordination dans cette contrée. Cependant, il n'y a pas plus de 2 siècles que leur nom a paru dans les livres, et le père Roger Récollet, dans son rarissime et savant ouvrage publié au XVIIe siècle, omet d'en parler. Ce sont de bons soldats, mais de véritables brigands une fois hors de leur territoire. Par leur caractère pillard et belliqueux, ils se sont attirés l'inimitié de leurs voisins, décimés par les luttes successives qu'ils ont eues à soutenir, et en dernier lieu contre Djezar, il y a moins d'un siècle, c'est à peine s'il en reste 4 ou 5 000 sur les hauteurs de l'anti-Liban. C'est toutefois plus qu'il n'en faudrait, ajouta M. Lascaris en riant, pour vous dévaliser. Mais, chers voyageurs, j'entends piaffer nos chevaux qui nous rappellent l'heure de la promenade. Après avoir jeté un coup d'œil de pitié sur le kiosque en bois peint du Pacha, désagréable monument de l'art turc, il nous fallut près de 2 heures pour arriver au Nahr el-Kelb, en suivant un chemin taillé dans le rocher par les Romains, où l'on voit les seules traces de voitures qui existent peut-être sur tout ce côté de la Syrie. Le Nahr el-Kelb, l'ancien Lycus, coule rapide et encaissé vers la mer. La légende veut que ce nom lui vienne de la figure de pierre d'un énorme chien, animal que les Grecs avaient nommé loup, et qui autrefois était placé sur un roc assez près de l'embouchure du fleuve. C'était une espèce d'idole dont les musulmans racontent d'étranges histoires. Il paraît que le diable entrait quelquefois dans cette image de pierre et hurlait de telle sorte qu'on l'entendait sur toute la côte et jusqu'en l'île de Chypre, prodige qui présageait toujours quelque funeste événement. « Aujourd'hui, me dit M. Lascaris, le merveilleux disparaît, et l'opinion est que le fleuve se jetant à la mer entre 2 hautes montagnes, comme vous pouvez le voir dès à présent, et son lit étant plein de roches, ses eaux font en coulant un fracas épouvantable à l'époque de la fonte des neiges, ce qui s'entend de fort loin, surtout pendant la nuit, et peut être comparé au sourd grognement d'un loup. Il s'ensuit naturellement que les Grecs, amoureux de l'allégorie, auront élevé la figure en question. De là, le nom du fleuve Lycus. Les Arabes auront pris le loup pour un chien et donné au fleuve le nom qu'il porte encore. Pendant cette conversation, nous approchions des curieuses roches sculptées qui décorent ce lieu agreste. L'une d'elles, celle qui m'a le plus frappé, représente, à s'y méprendre, un grand marchand persan du bazar de Stamboul, un pot de fleurs à la main. La science assure que c'est un monument assyrien. Je suis loin de le contester et prendrai pied de là pour ne pas rapporter au lecteur les nombreuses inscriptions qui couvrent le rocher. Nous suivions toujours le Nahr el-Kelb qui côtoie la voie Antonine. Nous la quittâmes bientôt pour nous enfoncer sous un bois touffu de chênes verts, de sapins et de figuiers sauvages. Puis, coupant vers un détour du fleuve, nous arrivâmes à un endroit où, resserré entre 2 rochers de 300 pieds d'élévation, il roule à la mer ses eaux limpides. C'est là qu'existe encore le pittoresque aqueduc de l'émir Fakhr el-Din, qui semble presque faire partie du rocher, tant les ronces, les lierres et une grande quantité d'autres plantes pariétaires l'ont presque recouvert. On néglige de le réparer. En plusieurs endroits, l'eau, filtrant à travers les pierres, tombe au milieu des lierres comme une pluie de diamants. L'heure s'avançant, j'en pris très rapidement un croquis, et je rentre à Beyrouth un peu fatigué, mais charmé de mon excursion.